Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. La Société Civica du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La Société Civica est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Petite bombe hier, un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Bob Hartley a été congédié par les Flames de Calgary. On ne l'a pas vu venir dans l'Est. On va parler avec notre collaborateur à Edmonton de Radio-Canada, Patrick Harry, pour savoir un peu si ça a été la même situation à Edmonton et à Calgary, puisqu'il couvre les activités des Oilers. Salut Patrick! Salut Yannick! Tu couvres également les activités des Flames pour Radio-Canada à Calgary aussi. La série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Sea Dogs de St. John s'est terminée hier, mais tout un match de hockey, un match de fou, comme on dirait, une victoire des Sea Dogs 6-5. Pour en parler, c'est la dernière fois qu'on lui parle. Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenay. Salut Sébastien. Salut Yannick. Sébastien, quel match de hockey, hein? C'était vraiment incroyable comme rencontre. Écoute, un spectacle assez intense à décrire. Écoute, j'ai trippé de la minute 1 jusqu'à la minute 20 de la première période. En deuxième, ça a été très difficile pour les Sags, dont quelques lancers, je pense qu'il y a 4 contre plus de 20 du côté des Sea Dogs à peu près. Et en troisième, on est ressorti très très fort avec 3 buts sans réplique. Et par la suite, les Sea Dogs ont repris le dessus puis se sont sauvés avec la victoire. Et la série en 6 matchs, les Sags se doivent d'être très satisfaits de leur parcours en série à 2017. Ah, regarde, c'était incroyable. Là. C'était vraiment... Là, écoute, c'était... Lorsque les Saguenay sont venus en troisième période, en début de troisième période, 3 buts sans riposte, c'était vraiment... Mais c'est là quand même que les Sea Dogs ont ouvert la machine, puis c'est là que c'est apparu. Billard, par contre, c'est là qu'il faut qu'il fasse les arrêts. Je ne vais pas le blâmer, mais hier, aurait dû se lever pareil et faire les gros arrêts quand c'était le temps. Mais ça, regarde, il a quand même connu une bonne série. Là. Ouais, je te trouve dur avec Julio Billard parce que les matchs, si ça n'avait pas été lui, il serait peut-être terminé un peu plus que les pointages qu'il a eus. Tu sais, les Sea Dogs, c'est des jeux à exécution très très rapide avec des futurs vedettes de la Ligue nationale de hockey, on s'en cachera pas. Ouais. Des super bons joueurs, tu sais, il n'y a pas un gardien. Mon Tambo va en avoir plein ses bottes là, pour l'Armada dans la prochaine série. Tu sais, des 2-1 avec des jeux presque parfaits. Des tirs avec des vues obstruées, des lancers de la Ligue nationale de hockey. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que Julio Billard a été un des acteurs importants du parcours des Sags cette année. Oui, mais... pour leur argent, c'est partisan. Puis je trouve qu'il a été très bon là, dans la série, là, même quand il a accordé des 5 et des 6 buts là aussi. Là. Je te parle du match d'hier, Sébastien. Je te parle. Non, même hier, tu sais, il n'y a pas grand-chose à se blâmer, Julio Billard. On a le droit de ne pas être d'accord, j'ai pas la même vision du travail de Julio dans la partie d'hier. OK. Parlons maintenant de la deuxième période. C'est très rare que je critique les arbitres, mais ça l'a enlevé le rip en deuxième période. Oui, définitivement. En fin de match aussi, là, la pénalité dans les dernières minutes à Kei Kima était tirée par les cheveux. Là. Je ne sais pas à quoi on a pensé du côté de l'officiel. Qui a appelé la pénalité à ce moment-là, mais oui, en deuxième, ça a brisé le rythme. Ça a été un peu plate tout au long de la série, là, particulièrement, même dans les Maritimes aussi. Deux styles d'arbitrage totalement différents. Les coups de bâton sont tolérés, les doubles échecs sont tolérés, les mises en échec près de la rampe sont pas tolérées. C'est du hockey de série, c'est du hockey physique, c'est du hockey rapide. Puis on a un peu empêché ça. Puis tu sais, c'est le propre des bonnes équipes, là, comme les Seahawks, réussissent à profiter de chaque occasion. Avait pas une très bonne fiche en avantage numérique, mais dans les derniers matchs, là, on réussit à marquer des gros buts à 5-4. Puis bon, c'est ainsi que ça se joue le hockey. Faut, comme les descripteurs, je pense que les arbitres sont un mal nécessaire là, pour sortir dans le monde du hockey. Puis le lancer de Thomas Chabot dans les estrades, qui n'a même pas été puni, automatiquement, c'est un 2 minutes. Ça, c'est le haut fait du match. Il y a des particularités au centre de Georges-Vivina. Il a dépassé une distance d'à peu près 12 pieds de haut là, avec son lancé. Les arbitres ont dit que c'est parce que ça avait quitté à l'extérieur de la zone défensive, mais ça reste quand même un lancé à partir du territoire défensif directement dans les estrades, à ce que je sache. C'est un 2 minutes automatique, puis on ne l'a pas appelé. Thomas Chabot a bénéficié d'une immunité diplomatique pendant les 60 minutes de la rencontre. Joue sur la ligne. Écoute, pour les partisans, les sénateurs d'Ottawa, là, sont peut-être 3 ou 4 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous allez l'adorer, là. C'est un excellent joueur de hockey, très intelligent, des jeux incroyables et surtout une endurance physique quand même assez intense. Donc, il peut jouer 40 minutes par match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec sans problème. Dans la Ligue nationale, ça va peut-être être un peu plus difficile. Mais on l'a vu avec l'équipe Canada junior, puis des passes, des jeux de passes, il est partout sur la patinoire, là. Ça va être un très bon joueur. Avec Eric Carlson, avec la meilleure défensive des sénateurs, il va être très bon. Hey, ça va tout être qu'un duo. C'est justement ça que je partais pour dire. Là. Les sénateurs ont un duo de défenseurs pour les 10 prochaines années vraiment incroyable. Définitivement. Thomas Chabot, même aurait peut-être pas dû redescendre du Nord, mais il est bon cette année avec les kids là, de 16 à 20 ans dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. OK. Hey, si on parlait du parcours des Saguenay, c'est un parcours exceptionnel. Puis moi, ce que je vais essayer de parler à Marc Denis cette semaine, tu sais, Marc, lorsqu'il a pris des Saguenayens, les reins de Saguenay, lui et Richard Letourneau, il disait faut ramener de la fierté, faut ramener la fierté d'être un Saguenayen. Puis je pense que cette année, le parcours a été exceptionnel. Oui, exactement. Puis c'est tout je pense qu'il faut donner le crédit aux joueurs, aux groupes d'entraîneurs. Tu sais, le meilleur élément marketing pour le hockey, c'est la victoire, puis les bons spectacles. Tu peux faire n'importe quoi, là, puis les gens vont toujours vouloir y aller plus souvent quand ça gagne. Puis on l'a vu en série éliminatoire, on a eu 4 ou 5 foules en ligne de plus de 4000 au centre de Vizina. Ça, c'était pas vu depuis les belles années dans les années 2000. Quand Sidney Crosby était encore dans la LHQ, qu'en 2012, on avait vu un petit peu, mais ça n'avait pas été aussi intense qu'en 2017, là, je dirais, le support des partisans des Sags. Tu sais, il y avait du monde à la place des citoyens. Vendredi soir, par exemple, le match sur le grand géant au Saint-Georges, il y avait près de 1000 personnes pour assister au match. Engouement total, puis écoute, je tiens à donner le crédit aux joueurs qui ont donné tout un spectacle, puis c'est pas mal par eux, là, que ça a donné la fierté envers l'équipe des Sacs. Je pense que ça a été contagieux à travers toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a tout le monde qui ont embarqué dans le bandwagon, comme tu dis, des Sacs dans les dernières semaines. Écoute, je pense qu'il devait y avoir 400-500 personnes facilement du Lac-Saint-Jean là, dans tout ce qui s'est passé. Tu sais, Danny, ça n'a pas le choix. C'est comme le retour de la Ligue nationale à Québec. Je vais faire un petit parallèle un peu boiteux, mais quand même, c'est comparable. Le retour de la Ligue nationale à Québec va passer par les régions aussi. Les Nordiques ne pourront pas passer à côté. Puis je pense que les Sacs ne peuvent plus maintenant ignorer la population du Lac-Saint-Jean. C'est-à-dire d'aller jouer des matchs pré-saison là-bas, d'aller faire visiter, d'aller faire rencontrer les joueurs avec les partisans là-bas, mais aussi de les attirer au Saint-Georges-Vizina pendant certains matchs. OK. Sébastien, quel genre d'équipe que les Sacs vont avoir l'an prochain? Combien de joueurs qui quittent là? Ah, écoute, combien de joueurs? J'ai pas fait l'examen de tout ça parce que, bon... Ouais, c'est encore de bonheur. L'activité des Sacs l'année prochaine. Puis, j'ai pas fait le bilan de la saison. Puis, il y a des gens qui vont faire les rencontres individuelles au cours des prochaines heures. Puis, ils vont penser à toutes ces orientations pour l'année prochaine. Tu sais, il y a des points d'interrogation sur les dossiers européens. Les gens vont-ils être tentés de ramener Dmitry Zoukinov qui a connu de très, très grosses séries? Puis tu sais, Zoukinov va pas encore signer son contrat professionnel, mais dans son cas, il n'y a pas de presse. C'est un Européen jusqu'en 2019 pour être signé par les Canucks de Vancouver. Donc, eux vont peut-être attendre jusqu'à la dernière minute pour voir s'ils continuent à se développer comme il l'a fait pendant les séries. Est-ce qu'il sera de retour? Est-ce que Routsoff va venir jouer une saison complète avec les Sacs l'année prochaine? Est-ce qu'on pourra aligner un troisième euro parce qu'il y a une petite subtilité dans le règlement avec la Ligue canadienne de hockey? Quand tu repêches un joueur européen qui a été repêché en première ronde de la Ligue nationale, tu as le droit de le garder sur tes listes en cas qu'il ne revienne pas l'année suivante et de repêcher deux autres joueurs. Mais tu sais, avec Zoukinov et tout ça, là, on verra pour la suite des choses. Est-ce qu'il y aura le retour des jumeaux climat ou seront troqués pour d'autres équipes dans la LHJMQ? Il y a plusieurs joueurs de 19 ans, il y a juste de la place pour 3-20 ans. La situation des gardiens, ça va changer au cours des prochaines années. L'ère Bilia est terminée. Pas de 20, je ne pense pas qu'il va être de retour comme joueur de 20 ans avec les Sacs, mais je crois fermement qu'il sera de retour comme joueur de 20 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce qu'il a été très bon quand on a fait appel à lui, mais les Sacs doivent donner le filet à plus jeune, c'est-à-dire à Schenk et à Cardinal probablement pour les prochaines années. Il y aura plusieurs nouveaux joueurs qui vont rejoindre Gallipo. Est-ce qu'il sera de retour comme joueur de 20 ans ou va signer professionnel pendant la saison morte? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Tu sais, un gars comme vous, Philippe Simard, qui pose la question, tu le gardes-tu comme joueur de 20 ans? Moi, si c'était rien que de moi, ça serait oui, parce qu'il a rendu de fiers services au Saguenay-Chicoutimi, hors et sur la glace, et particulièrement hors glace, là, Louis-Philippe, c'est un gars qui est très utile. Ouais. Auprès de sa communauté de Mastouillache, mais aussi pour tous les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été un bel ambassadeur des SAG. Je pense que bon, on pourrait penser à une place de 20 ans l'année prochaine, mais on verra. Yannick Jean est un très, très bon directeur général qui est bien entouré. Il faut lui faire confiance, puis il nous l'a prouvé cette année. Là, il est capable de faire des miracles avec une équipe. C'était pas prévu d'être aussi bonne. Non, non, c'est clair. Sébastien, il me reste que te remercier et te souhaiter bonne chance pour ces belles années que tu c'est un rendez-vous hebdomadaire le lundi matin, donc bravo. Toi, pour toi, c'est un autre défi qui commence bientôt. Je lisais un journal, tu veux rester dans la région, hein? C'est ta priorité? Oui, j'aimerais bien ça, mais les occasions sont très rares. Là. Moi, premièrement, je vais vous donner quelques semaines de vacances. Là. Ouais. Ça fait plusieurs années que je travaille beaucoup. J'ai laissé plein de choses de côté. Là. Je vais reprendre une vie un petit peu plus normale au cours des prochaines semaines. Mm. Par la suite, j'en ai aucune idée. Oui, je veux continuer à faire de la radio, mais si c'est un autre domaine qui m'appelle, on s'en ira de ce côté-là. Je fais confiance à la vie. Je remercie à tout le monde à qui j'ai côtoyé dans les 5 dernières années dans l'entourage des SAG, des partisans, les administrateurs, les différents qui ont passé pendant les 5 dernières années. Mais particulièrement les joueurs. Les jeux de relations incroyables, ça a été un privilège pendant les 5 dernières années. Puis merci à toi, Danny. Ouais. Merci à tout le monde pour la couverture des sacs au cours des dernières années. Ça a été un privilège, puis je sors de là avec un sourire et la tête remplie, puis le cœur aussi rempli. De belles émotions avec les Saguenay. Un gros goût, merci Sébastien, puis au plaisir peut-être de se reparler un jour. Peut-être, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Sébastien Morin des Saguenay de Chicoutimi.